Sa sexualité nous est d'un grand secours. Sans elle, pas de Dieu, ni baveuse omelette, ni toutes les recettes qui abondent autour. Sa ligaline à ses fétiches de la France, conquérant bagarreur, courageux à la fois, pendant le port de fête et ta vive mouvance. Et ta pierre des manches en la lune d'un mois. J'aime aussi sachet de un très bon cocobé. Pardonnez mes amis cette contradiction. Je m'en défends souvent, mais je n'en bois rien. Un chant du comme un frère, même à l'émission.